tu m'as dit. Et la façon dont tu me l'as dit. T'as baissé la tête et j'ai compris. Et j'ai ressenti comme un vide dans moi s'installer. Arrête, arrête, arrête. Tout doucement je perds la tête. Arrête, arrête, arrête. Parce que tout doucement je perds la tête. Tu me laisses aucun répit. Tu m'as laissé sans réponse. Je me noie dans ma rubis. Avec mon pote le rebeu. Je me demande pourquoi j'insiste. Je me demande à quoi j'assiste. Psychologue va m'assister. Je veux savoir à quel moment j'ai mal agi. Tout allait bien, ne me dis pas que c'est la vie. Si tu me quittes, je tomberai comme un sans-abri. Cette fois-ci, je vois bien que ce n'est pas un jeu. Car tu m'as dit. Et la façon dont tu me l'as dit. T'as baissé la tête et j'ai compris. Et j'ai ressenti comme un vide dans moi s'installer. Arrête, arrête, arrête. Tout doucement je perds la tête. Arrête, arrête, arrête. Parce que tout doucement je perds la tête. T'as les yeux tellement grands, je suis perdu de temps. Je suis pas en train de te chétan, j'y pense depuis longtemps. Je n'ai pas ça dans le sang, je vais pas te faire un roman. Tu me l'as dit, je comprends, mais c'est pas le bon moment. C'était ma promise, mais seulement si ça marchait entre nous deux. Mais t'as fait tes valises, tu t'es arraché, je trouve ça honteux. Mais dis-moi à quoi ça sert. Je comprends plus rien, je sers. Laisse-moi finir, laisse-moi agir, laisse-moi revenir avant de partir. Tu m'as dit, et la façon dont tu me l'as dit. T'as baissé la tête et j'ai compris. Et j'ai ressenti comme un vide dans moi s'installer. Arrête, arrête, arrête. Tout doucement je perds la tête. Arrête, arrête, arrête. Parce que tout doucement je perds la tête.